Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'ITIS le podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois Mikado Twix et Imraj. Est-ce que ça va messieurs? Salut, let's rock! Destroy! Ah le type a préparé son effet. Ouais. C'est magique. Il n'y a pas de vocodeur. Hein. C'était un chien? C'était ton chien? Non, c'était toi. D'accord. Ça va Imraj? Nickel, bon. J'ai mal à la gorge. Voilà, donc tu vas plus pouvoir parler du numéro, c'est génial. On va te réinviter, toi. Alors, pour ce numéro, vous l'aurez peut-être compris, on va parler de rock des années 80. Puisque, comme vous le savez, toutes et tous, le rock dans les années 80, c'était quelque chose qui était, comment dirais-je, chevelu. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va commencer tout simplement avec un petit groupe de chevelus, justement, à savoir Europe. Ah oui. Et la chanson Final Countdown. De 1986. Donc, Mikado, je te laisse en parler. Bah, cette chanson, quand on a préparé le thème de l'émission, moi, j'ai pensé chevelu rock des années 80 égale Europe, quoi. Enfin, ça me semble évident. C'est une chanson qui, selon moi, est marquante des années 80 parce que, bah, elle est, comme tu l'as dit, elle est du groupe Europe. Pour la petite histoire, c'est un groupe suédois qui a été formé en 1978. Et qui a quand même connu le succès mondial de par son troisième album sur précisément cette chanson qui est Final Countdown, qui a été quand même vendue à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Cette chanson, elle est marquante parce que, évidemment, l'intro, elle est cultissime, entre guillemets, hein, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, de rester en tête. Et à la base, cette chanson, elle a été plus ou moins composée pour l'ouverture des concerts. Et ils se sont aperçus que c'était celle qui avait le plus de popularité. Elle ouvrait tout simplement plus les concerts. Et c'est une chanson qui est régulièrement utilisée pour tous les événements sportifs. Quoi. C'est vrai que c'est une. Elle fait très. Vas-y, c'est moi, c'est badass, j'arrive. Allez, on lâche la musique de Europe. Quoi. Voilà. Ouais, moi, je me rappelle, j'avais acheté le 33 tours, que j'ai encore d'ailleurs de cet album. Où il y avait une terre, en gros, avec toutes leurs photos mises les unes à côté des autres, sous format un peu image panini. De mémoire, je crois que c'est après Ghostbusters, le deuxième 33 tours que j'ai dû acheter. C'est surtout le clip moi qui m'avait marqué, parce que vraiment, je me répète, mais le côté chevelu, c'est vraiment ce qui m'avait marqué à l'époque. Quoi. À tel point que... je te dis, c'est tout de suite le nom du... Enfin, c'est ce groupe qui m'est venu en tête, directement. Moi, je comprends pourquoi ça figure dans les morceaux que tu peux citer. Parce qu'effectivement, c'est en mai 80 et on peut pas faire mieux. Bah oui. Mais c'est quand même une horreur. Quoi. Sachant qu'ils ont fait quand même quelques morceaux connus, là, le Carry, qui est un peu plus slow, tu vois. et ils sont allés quand même jusqu'en 92. Oui. Les mecs, donc c'est vrai que... Et je crois qu'ils sont reformés, hein, si j'ai bien lu, ils sont reformés il n'y a pas très peu de temps, donc Imraj pourra aller les voir en concert. Ouais, comme tous les groupes, ils se reforment en fait. Mais moi, je vais vous faire une petite confidence, à part cette chanson, je ne connais absolument rien de ce groupe. Moi, j'ai le best-of en CD et tout. Ah bah, je suis incapable de te citer un autre titre de Europe. Je te dis, hein. Carrie, il était... Si, Carrie, il est pas... C'est connu. Wow. Imraj, au secours. Non. Il me laisse ramer, quoi. Bon, je ne soutiens pas ce choix musical. Bon, on va pas s'étendre sur Europe, mais en tout cas, on va s'écouter The Final Countdown. final countdown. Non? Allez, Imra, chante-le-moi, s'il te plaît. Un petit peu. Bien sûr. Je te jure, je le couperai au montage. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça a créé, je pense, des vocations pour faire de la guitare, peut-être. Il y a une augmentation du suicide, en fait, puisque la chanson reste en tête. Ah, c'est violent. Petite anecdote, c'est le truc que tu sors à tes collègues. Au milieu de la cafétéria, tu fais ta-da-da-da-da-da-da-da-da et tu t'en vas. Ouais. Et là, les mecs, ils te détestent sur trois générations, quoi. C'est le troll. C'est ça. C'est gratuit en plus, hein. Eh ben, écoutez, on va passer à la chanson suivante. Justement, oui, Imraj, tu, vu que c'est ta sélection, on va pas dire que tu n'aimes pas. Enfin, j'espère. Tu nous as choisi Eye of the Beholder de 1988 par Metallica. Alors, écoute. Ouais. À part le jeu vidéo, moi j'avoue qu'Eye of the Beholder, je me souviens pas de cette chanson de Metallica, j'avoue, je dois le confesser. Bah, déjà, le Beholder, c'est une créature fantastique. Donc en français, c'est le Tyrannoï qui est issu de Donjons et Dragons. En fait, c'est une espèce de créature, c'est une boule qui est en lévitation, plus ou moins grosse. Il a un œil massif et une bouche massive avec des dents massives. Et plein de petits yeux un petit peu partout, donc c'est une créature qui voit à peu près tout ce qui lui passe devant et qui pète la gueule. Et l'idée de la chanson Eye of the Beholder de Metallica, donc de l'album Injustice for All, c'est justement de dénoncer un petit peu le manque de liberté d'expression, enfin en tout cas le non-respect de la liberté d'expression, du fait que finalement aux États-Unis, les moyens d'expression sont souvent un peu maîtrisés. Et donc voilà, donc c'est une chanson qui est pas très positive en soi, comme à l'habitude souvent des groupes de rock. C'est ce que j'allais dire, mais ça, on est d'accord. Les thématiques sont quand même souvent assez sombres. Ouais. Dans ma sélection et puis Europe aussi, hein, voilà. Mais c'est quand même un morceau qui est assez long, de 6 minutes 30, qui a ses solos de guitare, enfin qui est vraiment le stéréotype même de la chanson de l'époque, et d'ailleurs c'est considéré par les vrais fans de Metallica, en tout cas ceux qui sont nés dans les années 60-70, comme le dernier bon album de Metallica. Oh, moi c'est pas mon cas, moi je trouve pas. J'allais te dire, plus globalement, au-delà de Eye of the Beholder, parle-nous un peu effectivement de ce groupe qu'on peut classer parmi le top 3 des groupes de hard rock, on peut le dire. J'ai grandi avec ça et pour moi c'est toujours ton grand frère, non groupe. Non, toujours. D'accord. Non, mais il m'a initié à ça. T'as bien éduqué ton frère. Bah, après j'étais assez exclusif, c'est-à-dire que c'était beaucoup les Guns et beaucoup Metallica. J'ai un petit peu fréquenté les autres groupes de musique. On en parlera un petit peu plus loin. Mais Metallica, pour moi, c'est vraiment le numéro un. Donc, Je te rejoins complètement. Hein. C'est extraordinaire qu'on parle de Metallica des années 80, alors qu'ils sont toujours présents aujourd'hui et toujours aussi efficaces, quoi. Pas forcément toujours aussi efficaces, mais j'aime bien. Hein. Quand ils réinterprètent des titres de cette époque-là ou du Black Album, il y a des frissons parce que de toute façon, ils ont. Je pense à Kirk Hammett qui est toujours aussi puissant à la guitare. James Hetfield qui a pas, il a pas une trachéotomie, il chante toujours aussi bien. Alors voilà, c'est sûr qu'ils ont pris un coup de vieux, mais surtout leur batteur qui est Ulrich, qui est emblématique. C'est quand même je connais bien l'univers batterie parce que j'ai mon papa qui est musicien de profession. Du coup, je trouve ça extraordinaire qu'un batteur soit un co-leader de groupe, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours trouvé, à ma connaissance, il y en a peu, quoi. À part, Giorgio Moroder, peut-être, je sais pas, mais c'est autre chose, quoi. Donc voilà. Et juste pour en revenir rapidement sur Eye of the Beholder, c'est, pour la petite info, je l'ai appris quand j'ai fait mes révisions, c'est un titre qui n'a été interprété qu'une fois dans sa totalité en live, en 1989, si je me trompe pas. Et depuis, il n'a plus jamais été réinterprété par le groupe parce qu'en fait, il est, Non, il est extrêmement complexe à jouer parce qu'il y a plusieurs passages à la guitare qui viennent complexifier le truc. Et donc voilà, plutôt que de l'interpréter totalement, il apparaît souvent sous la forme de medley, donc au milieu d'autres morceaux avec des parties bien choisies parce que voilà, en studio ça fonctionne bien parce qu'on peut monter différentes pistes, etc. Par contre, il faudrait 18 guitaristes pour un live, quoi. Voilà. Eh ben écoute, on va se l'écouter. ce ah Eye oui. of the Beholder. Allez, on avance, c'est parti. C'est vrai que c'est pas forcément la plus connue de Metallica, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal, comme ça, au moins, on découvre une chanson. Alors là, je dégaine direct, j'ai mon copain Looping, je sais qu'il nous écoute, je sais qu'il a passé le morceau, voilà, c'est tout. C'était juste un petit clin d'œil. Bon, alors après, toutes ces... on va positiver un peu, après, ces choses un peu noires. Je vais vous parler un petit peu de Bad to the Bone, qui est une chanson du groupe George Thorogood et les Destroyers, donc de 1982. Alors, toujours des choix de l'au-delà, toi. Mais non, mais c'est un groupe entre guillemets assez connu. Et cette chanson, donc Bad to the Bone, est très connue, notamment dans Terminator 2, puisque c'est la musique qui illustre le passage dans le bar de Schwarzenegger. Donc, elle est, je pense, emblématique de Terminator 2. Et c'est vrai que, petite anecdote, je l'avais aussi remarqué dans le jeu sur Super Nintendo. Ah, j'allais en parler. Rock'n'Roll Racing, puisque... J'allais en parler, c'est formidable. J'avais énormément joué à ce jeu fait par Silicon and Synapse à l'époque. Du coup, c'est vrai que c'est George Thorogood, c'est un musicien qui est avant tout un musicien de blues et qui quand même plus années 70, mais la chanson là est vraiment des années 80, et hormis cette chanson, le reste de son répertoire est quand même beaucoup plus blues que celle-ci, voilà. Donc c'est très orienté un peu biker, quoi. C'est dans Terminator 1 ou 2 qu'on l'entend? Le 2. Tout au début, en fait, où on le voit Ah ouais, non, mais elle est badass, hein, cette chanson, enfin cette musique. Hein. Moi j'aime bien. Hein. C'est marrant parce que moi, j'ai plus été marqué par le cool behind des Guns dans Terminator 2. Ah, il place hein, son Guns. Hein. T'as vu, il le place. Hein. Moi aussi, je connais, mais je le garde pour moi, ça, tu vois. Ouais. Ah bah oui, évidemment, les Guns, du cool behind, voilà, tout est dit, quoi. Donc on va s'écouter quand même Bad to the Bone de George Thorogood. C'est parti. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. suivre avec justement pas du chevelu mais du moustachu. On va parler un peu de Queen avec A Kind of Magic de 1986, choisi par Mikado Twix. Je pense qu'Imrach se désolidarise de ce choix et je ne suis pas loin de faire de même. Oh non, j'adore Queen, mais alors ce morceau, j'y arrive pas. Moi aussi, j'ai du mal avec cette chanson. Il y a plein de morceaux de Queen que j'aime bien, mais celle-là, j'avoue que. Je les aime tous sauf celui-là, quoi. Bah, moi, j'ai choisi celle-ci parce que c'est par cette chanson que j'ai connu Queen. Parce que moi, ma mère, elle écoutait Queen quand j'étais ado, enfin enfant. Et t'as quand même réussi à continuer à écouter Queen après avoir écouté ça. Vraiment aucun goût. Ah bah oui. C'est peut-être pas celle que j'écoute le plus, mais je la trouve très très efficace, très très bien, quoi. Enfin voilà, donc en fait, ça, l'album Kind of Magic... c'est entre guillemets la BO du premier Highlander, sans vraiment l'être parce qu'ils avaient déjà essayé la BO sur Flash Gordon, qui avait fait un four monumental, donc pour la BO c'était pas très vendeur. Donc en fait, grosso modo, 6 des 9 morceaux de l'album ont été utilisés pour Highlander. Et chose que j'ignorais totalement, la chanson Kind of Magic est utilisée dans le générique de fin d'Highlander en version lente. Alors, elle existe, hein, vous pourrez taper ça sur YouTube ou d'autres médias. Et c'est pas celle que je préfère, mais encore une fois, c'est cette chanson qui m'a fait découvrir Queen. Évidemment, par la suite, j'ai découvert ce qu'ils ont fait avant, les Bohemian Rhapsody, les Bicycle, ouais, et etc. Évidemment, Wainsworth, hein, c'était la révélation absolue. Et puis moi, j'aime bien parce que dans le clip, Freddie Mercury l'a habillé en magicien. Mais quand t'es enfant, je trouvais que ça marchait bien, j'aimais bien. Et pour la petite anecdote, moi, ma mère a craqué complètement pour Mercury. Et elle me disait qu'il avait les dents qui couraient après le beefsteak. Et c'était, pour moi, c'est une expression complètement type années 80. Et rien que pour ça, voilà, j'ai envie qu'on se mette un petit coup de Kind of Magic, quoi, en hommage à ma maman. Voilà. Bon, bah écoute, Mikado, on va s'écouter ce magicien de Freddie Mercury. C'est parti. Moi je le trouve dur, il est quand même il est efficace, hein, il est très honnêtement, c'est pas le morceau que je préfère. Moi je suis plus période 70s de Queen, mais je le trouve vraiment efficace, moi, ce morceau, quoi. Mais il est pas mauvais en soi, c'est juste que, enfin, moi personnellement, je l'ai trop entendu. Ouais. Ah bah voilà, c'est vrai. Et le guitariste là, j'ai oublié son nom, c'est Brian May, pardon. Ah, il est quand même bon, hein, moi j'aime bien, hein, franchement. Brian May. De toute façon, Queen, c'est super bon comme groupe. C'est super bon, tout ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Bah écoute, on va un peu discuter de... justement de Guns N' Roses. Ah. Avec Imraj, qui nous a choisi. Ah. Sweet Child of Mine, 1987. Ah bah attends, parle de moi là, mais c'est pas possible, quoi. Quoi? Sweet Child of Mine, attends, il y a des milliards de chansons très très bonnes sur l'album Appetite for Destruction, et lui il choisit la... Enfin bon, Non, mais j'ai hésité. En fait, c'est Charlotte qui a imposé le choix, c'est ça Non. J'ai hésité à mettre Welcome to the Jungle, évidemment, qui mérite sa place. Mais. Mais non, j'ai choisi celui-là parce que, pour la petite info, c'est le seul morceau des Guns qui a atteint la première place au top 100 des chansons aux États-Unis. Et du coup, voilà, c'était l'occasion de le citer. Et puis, ça reste quand même un morceau que j'apprécie beaucoup. Non, moi aussi, je te taquine. C'est pour Looping. Parce que Looping, il n'aime pas quand ça gueule trop. Et là, c'est plutôt une petite balade un peu romantique et tout. Je suis sûr qu'il adore cette chanson en plus. Quoi. Ah, c'est possible. Non, mais c'est un gars qui fait pas hard rock, tu vois. Ça fait pas hard rock. C'est un morceau qui est pétard. On reconnaît la voix du groupe. On a nos marques. Il y a Slash qui est délirant à la guitare. Il est efficace, le morceau. Hein. Je te l'accorde complètement. Il tourne super bien. Bah, de toute façon, son succès, il est pas pour rien. Après, c'est un morceau qui est. Il a été complètement improvisé. La création du morceau, c'est du grand n'importe quoi parce que. Oh, raconte. En fait, il se faisait une petite soirée sympa entre potes. Évidemment, ils avaient leurs instruments et tout. Et en fait. Logique. Non mais nous quand on fait une soirée on a pas forcément nos 3DS. Hein. Bon, allez bref. Donc ils faisaient leur petit truc et puis il y a Slash qui commence à faire improviser un truc à la guitare. Donc du coup c'était pour faire rire le deuxième guitariste Easy voilà. Donc du coup il se marre, il commence à rajouter un petit truc à la guitare hein, voilà. Puis il y a le batteur qui s'y met et puis il y a Axl Rose qui se met à chanter un poème qu'il avait écrit tu vois. Pour une autre nana, alors j'ai plus le nom, c'est la fille d'un guitariste assez célèbre. Et donc voilà, en fait, le morceau il est né comme ça. Ils ont dit putain, mais elle est vachement bien ta mélodie Slash. Et donc à partir de là, ils ont commencé à travailler le morceau, quoi. Voilà, encore un petit peu sûrement de la drogue et de l'alcool. Voilà, on y vient. On a parlé des substances ici. Je suis en train de les imaginer au flunch, je suis en train de gratter. Enfin bon, là tu m'as pourri les guns là. De ce que j'aime bien dans ce morceau, évidemment que je te taquinais tout à l'heure, c'est que t'as plusieurs ambiances dans le même morceau. Ouais. Et c'est vrai qu'il est très agréable à l'écoute, quoi. Encore aujourd'hui, je trouve. Quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, c'est le plus grand succès de. C'est le plus grand succès des Guns. Même je pense au niveau des ventes, ça doit être le single le mieux vendu. Mais paradoxalement, c'est un morceau qui est pas du tout engagé comme ils ont pu le faire. Engagé, c'est pas un groupe engagé, tu vois, mais avec des paroles assez critiques et assez aiguisées. Et là, on est vraiment dans une chanson d'amour, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois. Ouais. C'est une poésie, quoi, les paroles d'une poésie qu'il a écrit pour une nana, tu vois. Et ça change un peu des Guns. Et c'est peut-être le plus grand succès qu'ils ont eu, mais aussi peut-être un échec au niveau de leurs habitudes. Je trouvais ça assez paradoxal. Bon, voilà, mais bon, c'est un super morceau, quoi. D'une manière générale, Appetite for Destruction, il est vraiment extraordinaire comme album. Moi, je l'écoute très régulièrement. Eh bien, écoute, on va se l'écouter. effet, c'est vrai que le mec, c'est un peu... ouais, c'est Brad Pitt avec le bandana de Renault, quoi, finalement. Enfin, le look des années 80. Le look des années 80, le retour. Ok, ben écoute, merci Imraj de ce deuxième choix. Je vais partir plutôt sur Eddie Van Halen, qui est, on va dire, dans la mouvance, pas de Europe, mais... On va dire que c'est une chanson. Alors j'ai choisi Jump, donc de Van Halen, de 1984. Enfin, de 1983, mais dans l'album 1984. C'est une chanson qui est très très utilisée, effectivement, toujours pour des manifestations sportives, notamment pour l'entrée des joueurs au stade Vélodrome pour l'Olympique de Marseille. Quoi? Sportif, quoi. Il y a deux morceaux de rock. Non, mais attends, il y a deux morceaux de rock sur 45 minutes d'émission, t'arrives à placer deux fois du sport, quoi. Non, mais balèze. Si jamais il y a des supporters de l'OM qui nous écoutent, ils ont essayé de changer cette chanson, parce qu'elle y est depuis les années 80, justement. Et avec la grande époque où il y avait Tapie. Évidemment, moi j'avais été voir des matchs à l'OM. Et il y avait forcément Jump pour l'entrée des joueurs. Ah bah, il n'y avait pas ça, il y avait Scandale. Voilà, et donc là, ils ont refait le stade, donc qui vient d'être fini pour cette saison, et ils avaient prévu éventuellement de changer l'hymne, donc, enfin la musique d'entrée, et les supporters... ils étaient à limite à brûler le siège du club, c'est pas possible. Ils l'ont pas supporté. Voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement il y a quand même une petite aspiration. Il y a pas mal effectivement de. C'est épique, hein. Voilà, de solo de guitare, notamment donc du fameux Eddie Van Halen. Je l'ai choisi surtout, alors pas pour pouvoir parler de football, hein. pas du tout. Mais non, c'est juste pour signaler que à l'époque, entre Satriani, Van Halen, Europe et ainsi de suite, riff de guitare, et c'était légion au niveau du rock. Honnêtement, pour le coup, je suis incapable de vous citer une autre chanson de Van Halen que Jump. Je ne sais pas vous si vous avez dit, mais moi j'étais vraiment focalisé sur cette chanson. Wikipédia, vite fait. Non, je suis comme toi. C'est Jump. Ça doit être malheureux d'ailleurs, entre parenthèses, pour un artiste qui a fait des participations sur pas mal de trucs. Donc, on en avait parlé sur le podcast Michael Jackson, non? C'est ça. Non, moi, je te rejoins un peu, Sirf. À part Jump, comme ça, je peux pas te donner. Peut-être qu'on est des incultes, hein, mais là, comme c'est ça. C'est la préparation du podcast. Non, mais c'est le problème des groupes comme ça qui ont cristallisé tout sur une chanson. C'est ça. C'est comme Statu Quo avec You're in the Army Now. Bah oui, c'est le même délire. Tu connais cette chanson-là et tout le reste, j'ai essayé de me pencher un peu sur le dossier, ça n'a rien à voir avec cette chanson qu'on vient de citer. Et personne ne les connaît. Donc j'ai un peu l'impression que Van Halen, c'est pareil. On va peut-être se faire un insulter sur les paroles. Van Halen, il est reconnu pour son talent de guitariste et effectivement, c'est un des plus grands, mais effectivement, à côté... Voilà. Moi j'ai une question pour Imraj. Ouais. Alors Van Halen ou Europe? Ouais, Van Halen. Bon, ça va, c'est beau. Allez, parce que Van Halen il a du talent, quoi. Oh le troll. Allez, c'est parti. Et surtout il est frais, quoi. on va s'écouter Jump alors. You say you don't know love. ces messieurs. Beaucoup de joie et beaucoup de... c'est la fatigue. Ah mais là tu fais péter des... l'autoradio cassette à fond là dans la voiture. Enfin je veux dire, c'est... là tu peux y aller quoi, tu vois. C'est l'idole de l'ouvrage, JPP et tout quoi. C'est un grand époque de l'Olympique de Marseille, il y a rien toujours. Panasonic sur le maillot et tout. Bref, on va basculer sur un peu de boxe. En fait, on a choisi que des chansons épiques, hein. Je veux dire. Mikado Twix nous a choisi Eye of the Tiger épique, de 1982 par Survivor. Oh là là, je l'adore. Celle-là, par contre, je l'ai peut-être pas encore assez entendue pour. Celle-là, pour... tu l'as mis en 5 étoiles sur Guitar Hero, je pense. Parce qu'elle est quand même assez facile à jouer. Bref. Bah, moi, j'ai plusieurs affects sur cette chanson parce que bah, déjà, c'est la chanson qui accompagne Rocky 3, L'œil du tigre, avec Mr. T, hein, podcast L'Agence Touriste numéro. Enfin voilà, donc on. Clubber Lang, je l'ai déjà dit la dernière fois. Voilà. Le groupe Survivor, bah, un peu comme pour Halen, Van Halen, tout ça, bah, malheureusement j'ai un peu honte, mais je sais pas du tout ce qu'ils font d'autre. En revanche, Eyes of Tiger, je l'ai écouté des milliards de fois, et je trouve que musicalement, elle est très marquée années 80, mais elle est toujours aussi efficace, on va pas se mentir, les Jump et Europe, c'est un petit coup de vieux. Mais Eyes of Tiger, je vois, elle passe, limite, t'as envie de chausser tes baskets et d'aller courir et d'aller de monter les marches à Philadelphie, tu vois. Enfin, je trouve que c'est extrêmement efficace. Et dans l'univers de la boxe qu'est Rocky, bah, elle fait pleine d'espoir, tu vois. Vas-y Rocky, tu vas y arriver, quoi, tu vois. Et moi, je suis hyper fan de ce titre. Bon, bah écoute, Mikado, on va s'écouter. Eye of the Tiger de Survivor, c'est parti. Vas-y Rocky, pète-lui les dents. C'est les grosses têtes. Les grosses têtes. Bonne question de madame, belle paire de lâche. Alors, donc, belle paire. Ça y est, vient de capter Taïm Raj, il a 2 trains de retard ce soir. Ah ouais, non, par contre, moi je me souviens que non seulement ils avaient fait Rocky 3, mais ils ont enchaîné après. Ils ont fait aussi plusieurs chansons de Rocky 4. Ah, lesquelles ? Entraînement, il y a Burning Heart. Ah oui, ah, celle-là. J'ai honte. Elle est super. Bah, elle est dans Rocky 3, celle-là. En 4. Ah oui, c'est quand ils s'entraînent à la campagne, alors que Drago, là, feu je sais pas quoi. Il soulève des charrettes avec un feu de cheminée. En fait, ils ont fait que des musiques d'entraînement. Quoi. Ouais. Non, mais bon, bref, moi je me souviens qu'il y avait. Enfin, à l'époque, j'avais la compile, ça devait être Rocky Story ou un truc comme ça. Ah, mais... je l'avais également. Oh là là, c'est beau. Mais oh. On l'a perdu. Ouais, non, Sir, j'ai une question pour toi. Toi qui es un sportif émérite, est-ce que tu l'as dans ton lecteur MP3 ? De quoi ? Eye of the Tiger ? Bah oui, je vais pas. Non, moi j'ai plus, j'ai plus les Training Mountain et les Burning Heart de Rocky 4 que Eye of the Tiger. Et ça, j'ai aussi plus celle justement à Philadelphie où il fait son footing au milieu de la foule et il finit en jusqu'en haut des marches. Voilà, et justement le générique des grosses têtes. Donc, mais oui, non, mais je dois avoir l'album entier, donc oui, je l'ai forcément, mais c'est ouais. pas celle qui donne, je trouve, le plus de pêche quand tu cours. Ah la vache, j'ai pas beaucoup couru dans ma vie, mais quand je courais, c'était avec ça. Ah ouais. Ah, en fait, c'est un petit peu comme les motivational posters, tu sais. Mmh. C'est des espèces de posters noirs avec une image et une description qui est censée te motiver. Cette chanson-là, en fait, elle motive. Ouais, c'est tout. Ouais, moi, j'écoute les podcasts, d'80s le podcast quand je cours. Ouais, mais moi, je cours pas, donc. Corporate. Jusqu'au bout. Bon, bah voilà, donc, l'œil du tigre, à jamais. Donc, on va, pour poursuivre, on va parler un peu de, ça va nous changer, d'un guitariste émérite, à savoir Joe Satriani. Ah bah oui, on l'avait oublié. Avec la chanson Always With Me, Always With You de 1987. Donc, Imraj, je te laisse nous parler de ce guitariste émérite qui est Joe Satriani. Bah, Joe Satriani, ça a été l'homme de l'ombre pendant beaucoup d'années. Il est né en 58, si je ne me trompe pas. Et en fait, il a eu une carrière pro, mais il a toujours été dans l'ombre d'autres artistes. Et un beau jour, il a dit quand même, j'en ai un petit peu marre, donc je vais sortir mon album. Donc il a sorti l'album Surfing with the Alien en 1987. Et ça a été le carton direct, parce que tout le monde a pu voir que c'était très certainement l'un des meilleurs guitaristes des années 70-80. Ouais, tout simplement. Et il est fabuleux, il a un sens de la mélodie qui est fou, et il a une maîtrise de la guitare qui est encore plus fou. Et juste pour parler un petit peu de l'homme, il a quand même été le prof de Kirk Hammett et de Steve Vai, ce qui est en soi pas rien. Enfin, le mec, il a formé deux grands guitaristes. Donc voilà, donc c'est vraiment un génie musical. Et faut savoir, alors c'est un peu particulier parce que sa musique est essentiellement symphonique, instrumentale. Pardon. Il y a très peu de morceaux, il y a des paroles. Et donc voilà, en fait c'est des solos de guitare comme on entend dans les morceaux dans les groupes de hard rock, sauf que c'est des solos qui durent 3 minutes 19 quoi, 3 minutes 20, 3 minutes 30, qui mettent en avant tout son talent. Voilà, c'est un génie. Moi un génie à titre fou. Perso, quand ça part trop dans les solos, les gens ils me perdent un petit peu les artistes quoi. Ah, moi j'adore. Ça dépend. Satriani, musicalement parlant, il y a vraiment rien à dire parce que c'est un dieu, faut dire les choses. Mais moi, j'écouterai pas, tu vois, parce que je trouve que ça part trop. Allez, vas-y, je montre comment je sais jouer. En concert, ça peut être sympa, mais en studio, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Il y a quand même des belles mélodies. Ah, mais je dis pas le contraire. Hein. C'est très très bien. Mais la même chose avec 2-3 minutes en moins, c'est efficace, quoi. C'est parfait. Le truc, en fait, c'est que le mec, c'est si tu veux, il a travaillé avec d'énormes groupes. Et si tu veux, il n'était jamais cité. Il était là pour faire un concert, pour faire un machin. Personne ne se souvient de lui, etc. Il va former des guitaristes qui deviennent vachement célèbres. Il y a notamment Steve Vai. Donc, il a formé Steve Vai qui lui-même lui a renvoyé l'ascenseur parce que, en fait, Satriani a eu une période assez noire où il est passé pas très loin de la faillite économique personnelle. Et c'est Steve Vai, en fait, qui l'a remis en avant, qui a dit, mais ce mec-là, enfin, faut pas le laisser tomber. Et à partir de là, il a été un petit peu rappelé, etc. Et il a fait son truc. Maintenant, il a pas un talent vocal, il sait pas chanter, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la guitare. C'est sûr, c'est du show. Enfin, il est là pour montrer qu'il sait faire de la gratte. Et il y a peut-être une démarche un peu prétentieuse, mais en même temps, il sait faire que ça. Et il voulait être en avant. Il voulait être sur le devant de la scène. Le mec, pendant quasiment 20 ans, il était derrière les autres. Et un jour, il a décidé juste d'aller devant. Et voilà. Mais après, effectivement, c'est assez particulier à écouter. Et quand tu écoutes un album d'une heure de Satriani, au bout d'un moment, tu as peut-être envie d'écouter autre chose aussi, parce que tu as envie d'avoir des paroles. Au bout d'un moment, tu es saoulé. Cela dit, c'est un peu pareil. Tu as envie d'avoir des paroles. C'est un peu pareil pour Santana. Ah, c'est exactement la même chose. Oui, dans un style peut-être un peu moins rock, mais ouais, c'est un super guitariste, mais je m'endors. Ah oui, Santana. Enfin, cela dit, Always With Me, Always With You, j'ai l'impression que c'est un peu une chanson. Comment il s'appelle ? Lionel Richie. Oui. Le titre fait très Lionel Richie. Léger. Bon, on va se l'écouter. Hein. Ouais. Lionel Richie, hein, mais Joe Satriani. Allez, c'est parti. Ne vous endormez pas. Hein. Non, c'est vrai que c'est... ça met l'ambiance. Non, ça détend, ça détend. Ouais, j'ai fait des mots croisés en attendant. C'est lounge, quoi. Comment je te... Le mec, il choisit Europe et il se permet de critiquer Joss Adriani. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi AC/DC, AC/DC et Guns, toi. Donc, Justement, parlons-en. Je vais vous parler. Enfin, nous allons vous parler, parce que, a priori, cadeau a également un choix. Moi, je voulais parler donc d'AC/DC, déjà, puisque c'est le groupe, en fait, c'est mon groupe préféré de ce genre de musique. Donc, c'est un groupe australo-écossais qui a été formé dans les années 70, donc 73 exactement, qui nous a livré tout au long... Alors, ils sont encore en activité, hein, donc voilà, c'est comme Metallica, ça fait partie des légendes du rock. Un peu moins, quand même. C'est comme Fessenheim, à un moment donné, il faut l'arrêter, quoi. Monsieur, on n'attaque pas ces décès, attention, je serai intenable. Ou sinon, le Joe Satriani, attention, je le brûle. Ah, vous êtes lâché, je me venge, là, c'est fini. Ouais. AC/DC, pour un peu vous dire à quel point, pour moi, AC/DC Metallica, c'est Atari ST Amiga. C'est la guerre. C'est-à-dire que les gens qui aimaient AC/DC, c'est pas qu'ils aimaient pas Metallica, mais t'adorais AC/DC, quoi. Donc, moi, je suis pas d'accord. T'as les gens qui aiment AC/DC et qui aiment pas Metallica, et t'as les gens qui aiment bien Metallica et qui aiment bien AC/DC, ce qui est mon cas. Moi, j'aimais bien les deux, quoi, mais j'avais quand même une préférence pour Metallica. Moi, j'aime les deux, moi. J'avoue que j'aime bien les deux aussi, mais bon. C'est lequel qui a un meilleur chipset sonore? Je pense que, je dirais AC/DC. AC/DC, c'est bien, mais ça fait 20 ans qu'ils font le même album, quoi. Tu vois, 30 ans même. Donc, on va creuser un peu le dossier. Donc déjà, je vais me permettre de citer la chanson que je veux aborder, qui s'appelle For Those About to Rock, We Salute You. Alors, cette chanson, c'est une chanson donc qui est de 1980, qui fait partie de l'album donc éponyme, à savoir For Those About to Rock, We Salute You. Elle est canon, cette chanson. Hein ? Elle est canon, cette chanson. Ouais, ok. Ah, mais c'est moi, ce genre de blague pourrie, là, d'habitude. Donc, c'est une chanson qui a clôturé les concerts d'AC/DC pendant des années. Ce sont des canons de la guerre de sécession. Et sur leur scène, donc, ils en ont exactement 21, qui donnent des coups de canon régulièrement pendant la chanson. Donc, c'est une chanson qui est assez longue à se mettre en place et qui, effectivement, clôture particulièrement bien les concerts d'AC/DC et qui... on va dire, se place parmi les grands classiques d'AC/DC avec Highway to Hell et Back in Black, par exemple. Voilà. Je sais que Mikado, toi, tu veux nous parler de Back in Black. Back in Black, c'est vraiment l'album des AC/DC que je préfère. Parce que, en fait, il est sorti juste après le décès du chanteur original qui était Bon Scott. Pardon. Voilà, qui est décédé au mois de février 80. Bêtement, parce qu'une beuverie, il est mort étouffé par son vomi. Et je pense que ça devait être difficile de le remplacer parce que j'aime beaucoup beaucoup la voix moi de Bon Scott. Et en fait, Brian Johnson est arrivé donc pour entre guillemets pour le remplacer sur Back in Black. Et c'est le deuxième album le plus vendu de tous les temps. Voilà. Donc en plus la pochette est volontairement noire en signe de deuil vis-à-vis de Bon Scott. Et moi j'adore Back in Black parce que selon moi c'est la chanson badass comme je les affectionne des années 80 quoi. Sauf qu'on disait pas ça, on disait pas badass à cette période. Bah c'est simple, le CD est en permanence dans mon lecteur CD de la voiture. Ouais, on va s'écouter un. Enfin, vous avez cité pour moi deux des meilleurs morceaux de la CDC quoi. Enfin, on va d'abord s'écouter un petit morceau de Back in Black. C'est parti. Pour dire que ACDC vaincra surtout Metallica, non. Ouais, c'est vrai que non mais j'aime bien les deux. Moi je fais pas partie de ceux qui étaient dans la Giger les deux ont apporté énormément et je cite quand même Iron Maiden aussi qui ont une place aussi comme j'en parle régulièrement en émission, j'avais le copain métalleux qui avait plein de posters, qui m'a fait découvrir le hard rock. Donc lui, il avait tous les Maiden. D'ailleurs, on s'amusait à chercher le dessin du Eddie. Là. Oui. On s'amusait, voilà, on cherchait la signature. Voilà, aussi. C'est ça, la on s'amusait, c'était le jeu. Mais à part ça, j'aimais bien Bruce Dickinson, tu vois, mais je suis pas un fan absolu, quoi. J'écoute, mais je veux pas l'écouter comme ça, quoi. Il faisait partie en fait des grands groupes qui ont rythmé les années 80 parce qu'effectivement il y avait Metallica, Iron Maiden, AC/DC pardon. Il y avait d'autres groupes mais du coup Iron Maiden représentait vraiment le côté un peu black metal, hein, tu vois un petit peu heavy metal, enfin. Ils avaient vraiment la face sombre. Moi, je trouve que ça vieillit très mal, en revanche, aujourd'hui. Ce genre-là. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est pas. Ouais. Ça s'écoute. Ça fait un peu hard rock de papa, tu vois. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a, on a quand même balayé les plus grands groupes de ces années-là. Alors, certains sont encore en activité, d'autres non. On les a balayés, on les a dépoussiérés, surtout, quoi. Ah oui, belle image. Bon, merci à tous les deux et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous laisse nous donner un peu vos, justement, si on a oublié vraiment des gros gros choix, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Facebook, sur Twitter et sur le site 80slepodcast.fr. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro et puis on va se quitter sur une chanson de Sylvie Vartan qui va vous rappeler quelque chose justement qui s'appelle Faire quelque chose sur ça. On vous laisse deviner. Alors si vous arrivez à écouter jusqu'au bout, vous gagnerez un t-shirt oui, ça, de podcast. On va faire un pin sur le podcast. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, salut. Ciao. Salut tout le monde. Comme Fessenheim à un moment donné, faut l'arrêter quoi. Monsieur, on n'attaque pas ces dessins. Attention, je crains pas. Ou sinon, le Joe Satriani, attention, je le brûle. Ah, vous êtes lâché, je me venge. Là, c'est fini. Ouais, salaud. Donc, ACDC. Et c'est dur de repartir après, après qu'on soit fait couper les jambes comme ça. T'es vraiment un salaud. Zéro. Donc, putain, mon groupe préféré, quoi. ACDC. C'est